va passer la période de questions. Oui. Comment se libérer de ses attentes à tous les niveaux? Une réponse simple ou une réponse compliquée? Simple et pas applicable ou compliqué puis plus applicable? Simple et applicable serait l'idéal, oui. Oui, ben, ben c'est ça, ben c'est aussi. Hein? Faudrait répondre ça à quelqu'un d'autre. Comment se libérer de ses attentes à tous les niveaux? Bien, c'est simple, c'est que, voilà, oubliez tout. C'est très simple, on peut travailler évidemment pour que l'ego finisse par cesser d'avoir des attentes, et on peut travailler aussi simplement sur l'intelligence qui va finir par cesser de nous assujettir à nos attentes. Les attentes font partie de l'évolution espoirientielle de l'ego. C'est pas relié sur l'espoir. Alors, il n'y a pas de truc pour se libérer de nos attentes. Tout ce que vous avez à faire, c'est de centrer de plus en plus votre vie, votre vision de la vie sur des choses qui sont probables, tout en ne vous attachant à ça, tout en ne vous attachant. Je suis en train de ramasser des affaires. C'est bon, attache. En n'étant pas attaché, donc, à ce qu'on a comme attente. Ça veut dire que lentement, la patience devra venir s'installer. Vous devriez apprendre à parler souvent de vos attentes et en parler de façon à les développer au maximum, tout en vous répétant souvent que vous parlez pour rien dire. Parler pour rien dire ou parler pour parler, ça veut simplement dire que par la parole, on s'autorise à exprimer des choses, mais jamais ce qu'on dit est retenu contre nous, ni en bien ni en mal. Il n'y a pas de truc pour se libérer de ses attentes. Plus on va être centré sur soi, plus on va continuer à exprimer de l'intelligence à travers de ce que nous sommes. Parce que la grosse problématique, c'est ceci. Je rencontre quelqu'un à un moment donné qui me dit « J'aimerais ça faire la volonté de mon père. » Je demande ça. Comment on fait? Alors la personne a dit « Moi, j'ai décidé que je faisais la volonté de mon père, plus la mienne. » Mais si elle a décidé ça, c'est déjà sa volonté qu'elle fait. Parce que si son père ne veut pas qu'elle la fasse sa volonté, alors la personne va dire, moi je vais faire la volonté de mon père, et puis par exemple, ben, on va dire qu'elle est conférencier, tiens, elle va une conférence, et elle dit, j'espère avoir au moins 25 personnes. Mais là, c'est la volonté de ton père que tu fais ou quoi? Si c'est la volonté de ton père que tu veux faire, maintenant tu n'as plus rien à foutre qu'il y ait 25 personnes ou 50. Tu ne comptes même plus quand tu rentres. Tu ne veux même pas savoir que tu ne veux rien savoir du tout. J'espère qu'il ne neigera pas demain. Tu es encore à côté de la traque. Si ton père il veut qu'il neige demain là, pour que tu n'y ailles pas faire la conférence, tu es en train d'espérer qu'il va t'envie de dire. Alors les attentes, c'est la même chose. La personne qui a des attentes, elle est déjà problématisée. Pourquoi? Parce qu'elle va essayer de colorer toute l'expression d'intelligence en fonction du fait que ça va donner le résultat à son attente. Mais si cette attente-là n'est pas pour ça, c'est un autre. Parce qu'elle doit aller chercher pas une tente. La personne, elle doit faire attention. Pourquoi? Je sais, son ego a des attentes. Mais les attentes, c'est uniquement des leurres pour nous permettre à l'ego d'avancer. Ce qui est extrêmement important à comprendre dans les attentes de qui que ce soit, et vous en avez tous plus ou moins, des objectifs, des buts, des attentes, alors c'est ceci. Voyez-vous, là-bas, il y a une grille. Ceux qui écoutent la cassette, là, imaginez-vous qu'il y a une grille en haut. Bon. En haut au plafond, il y a une grille. Alors, on va se dire, moi, de ma chaise à la grille, c'est mon objectif, c'est mon but. Alors, je décide d'aller vers la grille. Alors, lentement, je commence à monter, je flotte, j'arrive entre la grille et ma chaise, puis là, subitement, je vois là-bas une lumière. Alors, je me dis, crime, mais la lumière à place. Alors, je tourne, je me dirige lentement vers la lumière. Puis, rendu à mi-chemin, subitement, je vois l'autre grille qui est là. Je me dis, ah, tiens, mais la grille à place. La personne m'a dit, change d'idée sans arrêt. J'ai jamais changé d'idée. Je me suis toujours détaché de où j'allais. Si c'est sur cette grille-là que je dois aller, et que je ne la vois pas d'ici, bien, nécessairement, l'intelligence, la vie va me donner un autre but. Alors, je commence à monter vers ce but-là et subitement, je vois une autre affaire. Mais oui, je change. L'être nouveau change. Change de chemise comme il change de chemise. Bon. Alors, je bifurque, je m'en vais là-bas. Nos attentes, le danger d'astraliser l'attente, c'est que c'est la grille que j'ai voulu aller chercher. Je me dynamise à me rendre à la grille. Puis quand je commence à monter, quelqu'un, ou venant moi-même, je me rends compte que je devrais changer ou quelqu'un me le dit. Puis là, ben oui, mais là, moi, c'est là que je voulais aller. sais, si je change encore d'idée, là, je vais être encore fait fourrer. On s'est jamais fait fourrer. On a ça pour aller là. On prend une idée, par exemple. On va... On décide de partir une compagnie pour faire telle chose. Puis à un moment donné, en cours de route, on change d'idée. Hein, mais là, on a encore... écoutez, c'est peut-être jamais l'objectif qu'on devait atteindre. L'objectif est peut-être le seul qu'on peut voir d'où on est. Alors, pour nous rendre jusqu'au chemin où on devra tourner, on vise l'objectif là-bas. Puis l'être intelligent, lui, quand il arrive à des périphériques, à des parallèles, à d'autres rues, bien, s'il voit quelque chose de mieux, bien, il change. Les attentes de danger, c'est ça. C'est que moi, j'ai une attente que ce soit telle affaire, ce qui fait qu'intelligent, je vais m'organiser pour l'astraliser de façon à ce qu'elle semble me donner raison, à ce qu'elle semble m'amener vers mon attente. L'attente, là, c'est simplement un objectif comme la grille qui est là. C'est pas là que nécessairement on doit aller. Mais c'est vers ça qu'on doit se déplacer jusqu'à temps que qu'on arrive là ou qu'on change. Mais quand on met de l'attente, c'est comme de la foi, on va mettre beaucoup d'énergie pour s'obscurcir la vue, pour ne jamais voir la lampe, de façon à être sûr qu'on va arriver. L'attente, c'est dangereuse. On a des attentes, et faites bien attention, comprenez simplement l'idée. Ayez-en des attentes, mais sachez que l'attente n'est pas nécessairement votre destinée. Nation, on peut dire destination, tiens. Moi, spirituel. Est-ce que le rebirth est une bonne démarche pour l'ego? Pour tous ceux qui en ont besoin, c'est formidablement génial. Oui. Chaque fois que je commence un entraînement physique, je pratique présentement les arts martiaux, j'ai des problèmes de digestion. À quoi cela est-il dû? Comment m'entraîner sans dérégler mon estomac? Peut-être que vous mangez trop de coups de poing dans le ventre. Probablement que... consciemment ou inconsciemment, là, vous voulez pratiquer quelque chose qui est peut-être plus philosophique que du cassage de gueule. Ça se peut. Une chose qui est certaine, c'est qu'il y a des choses dans la pratique, au niveau du corps physique, que vous ne digérez pas. Vous ne comprenez pas quelque chose dans l'intelligence de l'entraînement physique. N'étant pas digéré convenablement au niveau de la compréhension énergétique, ça va aussi se répercuter dans votre système digestif. Il y a aussi plusieurs choses. La personne peut se sentir inconsciemment médiocre. Bref, que la personne vérifie, il y a des choses qu'elle ne digère pas de son comportement lorsqu'elle s'entraîne. Et nécessairement, le corps physique décolle aussi. Tu dis qu'on doit amener nos corps physiques. Est-ce que ça va être des corps de chair à l'âge qu'on a ou à 12 ans? Alors, faites-vous-en pas. Ils vont être... Des vieux corps, ça n'existe pas dans l'évolution. Quand on parle de vieux corps, c'est dans le langage traditionnel. Un corps peut avoir 2-3 000 ans et être très jeune. Et c'est pourquoi tout à l'heure, j'ai dit que les corps ont, dans le visuel standard d'aujourd'hui, dans les 12 ans. Si ça vieillit, ça rajeunit. C'est impossible de vieillir. Donc, c'est possible de rajeunir. Hein? Une autre antenne disait que si ce monde n'était pas pour être un monde d'intelligence, il choisirait simplement de quitter son corps physique, puisqu'il n'est pas intéressé et que ce serait trop souffrant supramentalement pour lui de vivre dans la connerie. Peut-on faire ce choix? Non. Donc, une autre antenne disait que si ce monde n'était pas pour être un monde d'intelligence, il choisirait simplement, bien c'est sûr. Ce que vous devez comprendre, c'est que si tout va tout de travers, en admettant que tout irait tout de travers, moi aussi, c'est ce que je vais faire. Mais toi, tu ne peux pas le faire, puis les autres non plus. Et c'est pas pour frustrer ou etc., là, c'est comme ça. Moi, je suis déjà là-bas, c'est déjà ça, là. Bon, moi, ce qu'il faut que je règle, c'est ici. Alors que pour vous autres, c'est ici. Ça, c'est réglé. C'est là-bas maintenant qu'il faut aller travailler un peu. Alors, effectivement, sauf que ça, c'est pour faire chier aussi les égos quand une personne dit ça. S'adresse à un public, puis il leur donne des coups dans le visage. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui vont suivre des antennes supramentales et qui sont totalement dépendantes d'elles. Bon, on peut avoir besoin d'eux. Être dépendant, c'est autre chose. Alors, à un moment donné, c'est ça. C'est que déniaisez-vous, parce que si vous déniaisez pas, moi, je vous sens tout là. C'est ça que l'autre dit. Et ce que moi je sais, c'est que si l'humanité ne bifurque pas, ce que d'ailleurs il pressent, c'est qu'il y a énormément d'humains quand même qui vont simplement s'en aller. Comme j'ai expliqué, puis comme Jean en avait parlé. Tu as connu Jean de toute façon, ça fait quelque temps. Oui, c'est un petit bout de temps. Lorsque l'ego souffre, exemple, de ne pas être aimé, il y a un trou. Qu'est-ce que ce trou? Comment manipule-t-il? Quoi faire pour fusionner l'ego? La personne qui écrit la question ne sait pas, pour me voir de ma main, l'ego ne se sent pas aimé. Faut faire attention, pourquoi? Parce que il y a autour de nous suffisamment d'énergie astrale pour nourrir notre corps astral. Et c'est ça que la personne a besoin. C'est de l'énergie pour nourrir son corps astral. L'ego va avoir un trou. L'ego est bourré de trous. L'amour comble ces trous-là, temporairement, l'amour émotif. Et la religion, l'amour divin, là, l'amour spirituel, comble aussi ce trou-là, temporairement. Quand on cesse de remplir, le trou revient. Par contre, le corps astral a aussi besoin d'énergie astrale, et si le corps astral n'est pas suffisamment alimenté, il y aura la même problématique. On dira manque d'affection, manque de... En tout cas, même si on n'a pas les bons mots, on sait ce qu'on veut. La problématique, c'est qu'il y a énormément d'êtres qui entourent cette personne-là, entre autres, puis d'autres aussi qui pourraient vivre le même problème, des êtres qui sont capables de les alimenter astralement, mais l'inhibition évolutive et conscientiative de cette personne-là fait en sorte qu'elle n'est pas capable d'aller chercher l'énergie astrale de ces êtres-là qui l'entourent, parce que présentement, elle est trop inhibée en face d'elle-même. Et une personne pourrait me dire, oui, mais c'est parce que c'est pas la... Bon, j'en connais d'autres qui sont dans la même situation et qui ont exactement des alimenteurs d'énergie astrale autour d'eux, qui bénéficieraient en plus d'une synergie de communication entre les deux, entre les trois, entre les quatre, et ces personnes-là ne le font pas non plus à cause d'inhibition. D'où l'importance de commencer à s'inhiber à un moment donné, à se désinhiber à un moment donné. Alors, c'est ce qui arrive simplement, c'est que la personne, elle devrait se servir un peu plus de ses lignées familiales. Je parle de ses descendants. Mm-hmm. Et elle devrait s'en rapprocher. Parce que ce qui va arriver, c'est qu'à un moment donné, il fallait alimenter notre corps mental. Pour alimenter le corps mental, il fallait cesser d'alimenter le corps astral. Maintenant qu'on est rendu au corps mental et au corps mentalo-supramental, bien, le corps physique a peut-être mangé la claque. Le corps vital a peut-être mangé la claque. Mais dans la majorité des cas, le corps astral aurait été altéré. Alors, à un moment donné, l'inhibition va continuer à faire en sorte qu'on ne puisse pas se nourrir. Je peux donner des exemples. Moi, je connais des personnes qui ont, par exemple, des enfants avec lesquels, moi, je peux me nourrir et ils se nourrissent, alors que les parents, eux, ben, ils n'ont peut-être pas les bons enfants pour se nourrir. Alors qu'ils ont les bons enfants pour se nourrir, les enfants ont les bons parents pour se nourrir, mais c'est comme compliqué. Par simplement d'inhibition. Parce qu'il y a... Vous savez, on n'a jamais les bonnes personnes autour de nous, hein? Mais c'est parce que nous, on n'est pas la bonne personne. Mais on a les bonnes personnes autour de nous. C'est sûr, on est inhibé, il y a des ci, il y a des ça, ça je comprends l'idée. On doit commencer à se désinhiber avec les personnes qui nous entourent, s'ils sont capables de comprendre. Sinon, on peut se désinhiber quand même, même s'ils ne comprennent pas, parce que c'est toujours en face de nous qu'on se désinhibe, mais à un niveau où on va aller chercher avec les individus qui nous entourent ce qu'on a besoin. Et puis, on va être correct. Puis, lentement, on va pouvoir se désinhiber avec d'autres pour aller chercher d'autres choses. La désinhibition va établir des contacts énergétiques. Sauf que, veut pas, c'est toujours compliqué le départ d'une désinhibition, et l'ego aura plein de raisons à donner. Ça, c'est des clous qui enfoncent dans le mur qui devraient descendre. Faut pas qu'ils bougent. Alors, les raisons, on en a plein. J'ai déjà passé, moi, des journées à jaser avec des gens de la désinhibition, et puis, effectivement, il y en a, on en a des raisons. Et on est normalement, la vie que vous avez présentement, c'est probablement la meilleure situation qui aurait pu exister sur la planète Terre pour vous permettre de vous conscientiser et pour vous permettre d'arriver à être conscient, donc à être transportable. C'est ce qu'il y a de mieux. On n'a même pas besoin de chercher à refaire le cadre autour de nous, il est correct. On doit travailler maintenant avec les outils qu'on a. C'est nous le problème, on doit désinhiber. Alors la personne ici, elle est entourée de tout ce qu'il lui faut, mais elle n'a pas la capacité, disons, intelligente, supplémentaire encore, pour parvenir à baisser certaines petites barrières, pour aller chercher ce qu'elle a besoin. Et puis ça, encore une fois, la personne, c'est même pas nécessaire qu'elle vienne me voir, je sais comment c'est souffrant, hein, tu sais toi aussi. Bon, les raisons, il y en aura, hein, il y en a des raisons, il y en a en masse, on peut en écrire des bibles, de raisons. Mais tout ça, c'est pas ça, là. Ça, c'est les raisons de l'animal humain, nous autres, on passe. Dans n'importe quelle forme de manipulation, sachez une chose, concentrez votre attention d'intelligence sur un seul morceau de vous-même en même temps. Vous allez voir, c'est extrêmement facile. Alors, la personne qui va se sentir tout pognée au complet pour dire à quelqu'un qu'elle l'aime ou simplement pour aller chercher de l'énergie. Alors, quelqu'un peut dire, oui, mais moi, je joue souvent dans la tête, tu sais, mais non, tu peux jouer dans la tête puis tu peux aller chercher de l'énergie en jouant dans la tête. Tu sais, c'est facile de dire, bonjour, comment ça va? Oui, mais ça, c'est du débarras inhibitif. C'est différent. Hein? Vous serrez la main à quelqu'un puis vous serrez la main à quelqu'un, ça peut être deux choses différentes. L'autre, il ne le fera peut-être pas. Ça peut être deux choses bien différentes. Alors, les personnes vont Il y aurait tant, il y a tellement d'exemples à donner. J'en ai déjà donné souvent en masse au dernier PMC Plus, plus dans certaines conférences. Mais, ben c'est ça, je ne veux pas trop en donner non plus. La personne, elle sait quoi faire, sauf que les raisons vont en donner tout plein, ça j'en suis convaincu. Ces raisons-là ne servent uniquement qu'à convaincre, à renforcer l'ego pour nous empêcher, dans l'intelligence, de venir baisser l'inhibition. Parce qu'il y aura une égoïsation. La négoïsation est souffrante un peu, fait brûler l'ego. Mais maudit que c'est correct, c'est blaisant, c'est énergisant après. Mais comprenez une chose, votre ego est pluriconstitué. 30 millions de constitutions probables, de particules. Donc, 30 millions d'anégoïsations différentes. Vous prenez l'idée, là. C'est pas parce qu'à un moment donné, je me suis désinhibé avec telle chose que je suis désinhibé. Après ça, je vais me dire, oh oui, mais là, c'est encore. Oui, exactement, exactement. T'as un enfant, t'as peur d'y parler, t'as le blocage là. Quand ton intelligence aura fini par dissoudre le blocage pour en faire de l'énergie, tu vas pouvoir y parler. Mais tu peux pas parler à ton ex-chum, à ton ex-mari, à ton voisin, à ton patron, à ton employé. C'est une autre partie de l'ego qui est barrée, c'est pas le même. Alors la personne va dire, ah, mais je pensais que... Oui, continue à penser, tu ne l'as pas. Tout est complet. Il y en a des choses à... C'est pour ça qu'il faut commencer à un moment donné. Ça, je ne suis pas en train de prendre longtemps. Le choix de l'homme nouveau a déjà été fait. Ton ego veut retarder puisque tu parles de 97. Moi, je dis que le choix a déjà été fait et qu'on applique en 91. L'intelligence a besoin de quelqu'un maintenant. Si celui qui doit le faire ne le fait pas, il doit être remplacé. Le pacte que tu as fait était ce qui doit être fait par toi. Bon, la personne a des petites choses qu'elle ne comprend pas. Et c'est important, je ne dis pas ça pour me défendre, je dis ça pour la défendre. Bon. Le choix de l'homme nouveau a déjà été fait. Elle a raison. Ton ego veut retarder puisque tu parles de 97. Non, mon ego vous parlait à vous autres. Bon, et non pas à moi. Moi, je dis que le choix a déjà été fait, pas par la personne, mais elle a raison. Et qu'on applique en 91. Ça va être vrai pour plusieurs personnes. Mais si je vous dis que c'est en 91 que vous devez le faire, ce qui n'est pas vrai pour tout le monde, il y a un paquet d'égos qui vont paniquer. L'intelligence a besoin de quelqu'un maintenant. C'est absolument évident. Si celui qui doit le faire ne le fait pas, faites-vous-en pas, il va le faire, il n'aura pas le choix. Il devrait être remplacé, totalement évident. Mais ça n'a jamais été fait, mais c'est prévu. Mais ça n'arrivera pas non plus. Le pacte que tu as fait, le pacte que j'ai fait avec moi-même, évidemment, était ce qui doit être fait pour toi. C'est sûr. Je vis avec quelqu'un qui terrifie mon anti-homme et qui est une puissante source d'anégoïsation. Non, donc, fais attention, parce que souvent on s'égoïse et on dit que c'est une puissante source d'anégoïsation. Tu sais, ce style-là, là, ça c'est une puissante source d'anégoïsation. Mais non, c'est une puissante source de frustration. Donc, fais attention, mais fais attention. Ouais. C'est pas de l'anégoïsation, c'est de l'égoïsation. Comment faciliter ce travail sans le fuir, mais en allégeant un peu? Je ne donne jamais de conseils. Alors, c'est à vous simplement de déterminer. Il faut appliquer ce que vous savez, ce que je dis, ce qu'on entend, ce qu'on en comprend, ce que d'autres disent, ce qu'on lit. Mais c'est à vous de bouger là-dessus. Parce que je vis avec quelqu'un qui terrifie mon anti-homme. Ça ne doit pas être ma femme, ça. Et qui a une puissante source d'anégoïsation. Hein? Ça ressemble, hein? Oui, c'est vrai. Comment faciliter ce travail sans le fuir, mais en allégeant un peu? C'est toujours la même chose. Si vous voulez le fuir, vous allez fuir, vous voulez fuir ce qui vous permet de voir ce qui est croche chez vous. Comment alléger? Changez-vous. Donc, on en revient encore à toute la structure révolutionnaire PMC. Il suffit simplement de s'anégoïser encore une fois. Et quand la personne dit que c'est une puissante source d'anégoïsation, c'est pas ça du tout. Parce que peut-être c'est une puissante source d'anégoïsation, alors elle devrait commencer sans s'en servir. Parce qu'elle ne poserait pas cette question-là. Il n'y a personne autour de vous qui est laid. Enfin, il est laid. On a toutes nos laideurs, mais ces laideurs-là ne nous nuisent pas. Ils nous nuisent en ce sens qu'elles nous permettent de voir ce qui est laid chez nous. Nos égos ne veulent pas. Vous savez, si je vois quelque chose chez quelqu'un, c'est probablement parce que j'ai le même problème chez moi. Enfin, attention, j'ai déjà dit ça souvent, c'est vrai. Mais c'est pas parce que je vois que tu as une crotte de nez qui passe le bord du nez, je n'ai une. Comprenez l'idée? Bon. À un moment donné, je peux te dire, écoute, mange pas telle affaire, c'est pas bon pour toi. Ça veut pas dire que c'est pas bon pour moi. Mais si, à un moment donné, moi, astralement, je parle de l'animal humain, si chez toi, il y a quelque chose qui mérite ou qui me frustre, j'ai probablement la même chose chez moi. Mais si je suis suffisamment réchauffé et que je vois qu'il y a un problème, je l'ai pas nécessairement chez moi. Mais ça ne m'achalera pas, par exemple, qu'elle l'aille. Comprends l'idée? Le miroir ici, là, puissante source de frustration, enfin de négoïsation, c'est que la personne, vous avez intérêt à rester avec, tout ce que vous avez à faire, c'est de changer. Puis quand vous aurez à décoller, si vous avez à la laisser là, vous le saurez. Vous ne partirez pas frustré. On peut partir. Psychologiquement, on va dire à quelqu'un, écoute, si l'autre t'écœure à ce point-là, lâche-la. C'est vrai. Je vous suggère ça. Évolutionnairement parlant, ou du point de vue de la conscientisation, bien là, si c'est vous que vous voulez fuir, c'est ce qui arrive aussi dans ce cas-là, même si on suggérerait psychologiquement de fuir, c'est quand même l'individu qui veut se fuir lui-même. Bien là, si on parle d'êtres qui veulent se conscientiser, ne fuyez plus nulle part, il n'y a pas une place dans la galaxie où vous allez être bien. OK? Cherchez pas. Vous pouvez vous créer des lubies, tu sais. Ah, bien, sur une île déserte, seul, je serais bien. Le soir, chez vous, vous ennuyez, tu sais. Imaginez-vous sur l'île déserte. Non. On peut s'en créer. Mais moi, ce que j'aimerais, ce serait d'être n'importe où, je suis bien, quand ça me tente, tu sais. C'est ça, tu sais. Pouf, pouf, pouf, pouf, pouf, pouf, pouf, pouf. La planète au complet me sert à moi, tu sais. Non. Si c'est pour vous fuir, ben là, si on parle de conscientisation, ben vous avez simplement commencé à exprimer ce que vous êtes, vous, dans l'intelligence. Il va vous fuir ou il va s'adapter. Les choses vont se placer. On ne change pas tout d'un jour, du coup, de jour au lendemain. On en revient encore à l'exemple que je vous ai donné tout à l'heure. C'est toujours par petits morceaux qu'on doit le faire. Quand vous voulez concentrer votre intelligence chez vous, c'est toujours dans une petite partie de vous-même. Alors, l'exemple que je donnais en conférence régulière, c'est que si tu ne dois pas manger, et c'est des cochonneries qui sont là, puis ton ego veut te forcer à manger, bien, tout ce que tu as à te dire, pas à répéter, à te dire dans ta tête, c'est bon, ben, que l'ego contrôle tout le corps, l'estomac, les sécrétions, tout le tralala. Moi, je vais contrôler mes mains, OK? Je contrôle que mes mains. C'est simple, juste mes mains. Fait, quand l'ego veut manger, là, je contrôle les gens, je suis le maître de mes mains. Bon, voilà, mange, mon petit. Ah, il va y aller avec la bouche, pas grave. Laisse-le, tu vas voir que c'est un égoïste intime pendant ce temps-là. Tout est là, c'est ça. Mange, mon cave. C'est manger dans mes ouest, là, tu sais, mais moi, je contrôle mes mains. Contrôle tes mains. Bon, tu veux aller quelque part, ton ego veut pas. Contrôle tes jambes et tes pieds. Avance. Oui, mais en dedans, j'oublie le reste. Oublie le reste. Là, ta conscience, là, au lieu de descendre, dilapidée, donc tellement faible, c'est comme si tu avais une armée de 20 000 hommes, puis tu avais 500 hommes. Tu les envoies contre les 20 000 hommes, ils vont perdre. Prends tes 500, puis envoie-les contre un petit bataillon là-bas de 50 hommes, ça va, ils vont dire, là, tes 500 vont gagner. Puis lentement, progressivement, ils vont prendre du terrain, puis les 500 peuvent battre les 20 000 s'ils se battent toujours 500 contre 3, 4, 500. Mais pas les 500 contre les 20 000. Alors, c'est un peu la même chose. Le peu de puissance qu'on a, on veut absolument que ça élimine l'accélération cardiaque, ça ôte la souffrance de la négoïsation, que ça place l'ego, que ça change la pensée, que ça ôte le goût gastrique, que ça, voyons donc, on a passé. Contrôle tes mains. Contrôle tes pieds, contrôle ta bouche, contrôle tes yeux, contrôle une petite partie, puis tu vas voir que ça va bien aller. Bon, dans la négoïsation, c'est la même chose. Puis, alléger le travail, la personne commence à travailler chez elle, bien qu'elle y aille avec une seule petite chose. Quand je dis souvent d'intelligencer, c'est déjà centré là sur l'intelligence. Et que c'est niaiseux que je sois encore en train de crier. Ou que c'est niaiseux que je tolère que l'autre crie. Puis là, je ne commence pas à crier. Mais après, il y a toujours des façons. Si l'intelligence s'exprime, là, vous allez voir que le torieux côté, là, va devenir correct. Il y a beaucoup de controverses actuellement dans le monde scientifique au sujet de l'effet des ondes électromagnétiques sur l'être humain. Bon, on a toujours parlé que c'est dangereux. Quels sont les effets de cette multitude d'ondes auxquelles nous sommes soumis au niveau psychique et psychologique et physique? Quels sont les moyens de minimiser ces effets secondaires, s'il y en a? Bonne alimentation. Transparence de l'ego. Ça vaut pas la peine de bien manger quand on est stressé dans le corps. Bon. Ben, ça vaut la peine, mais c'est mieux que rien. Donc, bonne alimentation astrale, bonne alimentation vitale, bonne alimentation physique, bonne alimentation mentale. Puis l'effet des ondes électromagnétiques n'est pas trop terrible. J'ai souvent expliqué que les lampes, les fils électriques, etc., puis ça, on l'a vu souvent dans les séminaires, puis j'en ai expliqué souvent à l'époque où on parlait d'OFSA, que tous les fils électriques devraient être dans des enveloppes blindées. Ce qu'on ne fait pas parce que, bon... Et c'est quand je dis souvent que quand il y a une panne de courant, bien, il y a un bruit qu'on n'entend jamais, que subitement on n'entend plus. Ça, c'est la perturbation du champ électromagnétique qu'en général de votre maison, qui subitement qui vient simplement à influencer le corps vital, puis comme ça s'éteint, subitement, il n'y a plus rien. Bon, ça, c'est un bruit qu'on n'entend jamais, puis qu'on découvre qu'on n'entend plus. C'est le champ électromagnétique. C'est extrêmement dommageable sur toutes les structures évolutionnaires d'un corps physique. Et c'est pourquoi les individus ont intérêt de temps en temps à s'en aller en pleine forêt, à décoller de là. Bon, dernièrement, on a bâti un dôme en pleine forêt, un grand dôme, et il y a eu des... par manque de possibilités financières, il y a une chose qu'on devait faire dessus qu'on n'a pas fait. C'est pas dit qu'on le fera pas. C'est pas dit qu'on le fera pas sur les prochains. Mais pour éliminer les effets, ce qu'il faut faire, il n'y a pas d'électricité, disons, majeure là. Il n'y en a pas si tu n'en veux pas. Par contre, si on allume un poste de radio, on capte certaines fréquences. Puis quand on ne capte pas des fréquences, on capte des grichements. Ça, ce sont tous des ondes hertziennes, donc des ondes électromagnétiques, perdues. Alors, normalement, on doit recouvrir, par exemple, la maison d'une feuille, d'une mince couche de cuivre. Et les ondes hertziennes ne sont trop longues pour traverser les trous laissés entre les atomes du cuivre. Là, normalement, si on fait ça, plancher et la maison, on allume une radio à l'intérieur, puis la radio ne griche plus. On n'entend plus rien. Elle ne capte plus rien. Et ça fait, si on fait ça, c'est exactement comme si, à un moment donné, on va avancer ça, l'individu qui rentre, par exemple, dans ce dôme-là, va ressentir ce que ses ancêtres ressentaient avant l'invention de tout ce qui est électrique. Un silence comme on n'en a pas entendu depuis longtemps. Quand il y a une panne de courant, ça continue quand même à émettre. Bon, alors, on élimine ça complètement. Au niveau des dangers, donc, il y en a plusieurs. Mais, encore une fois, si on a une alimentation qui est très saine, avec une alimentation, donc, sur tous les plans qui est très saine, les effets ne sont pas dévastateurs, ce sont des effets qui nous demandent un peu d'énergie pour recompenser chaque fois les effets négatifs de ces ondes-là. Mais c'est pas la radio à boire, c'est pas... Par contre, si on est mal, si on dort mal, si on est mal alimenté, si on est continuellement stressé, ben là, oui, effectivement, là, vous avez des petits objets autour de vous, là, puis ça peut carrément massacrer votre vie. Bon, imaginez qu'il y a des personnes qui, leur corps vital, à un moment donné, dérègle toujours leur montre ou encore une horloge, des choses comme ça. Bon, ben, il y a une affinité entre les deux. Alors, l'autre fait aussi la même chose que le corps vital. Alors, c'est évident qu'on a intérêt, à un moment donné, une personne me disait, on a qu'à éteindre les disjoncteurs le soir quand on va se coucher. C'est ce qu'il y aurait de mieux à faire. C'est évident que si vous chauffez l'électricité, ben... Mais on s'arrange quand même pour éloigner les objets électriques. Tout déplacement d'électrons dans un conducteur émet un champ électromagnétique. Donc, on fait attention. Les néons, il y a plusieurs choses qu'on s'arrange pour éliminer. Mais il faut pas... L'important, c'est pas d'éliminer. On élimine le maximum. Vous avez un gros transformateur dans votre chambre, change de chambre. Ça, c'est évident. Mais on doit surtout s'arranger pour nous être bien. Le reste ne nous dérangera plus. Parce que les champs électromagnétiques, la planète Terre en émet. Il y a la ceinture de Valhalla, entre autres, qui protège la planète Terre contre les tempêtes solaires. Hein? Les tempêtes solaires, c'est simplement une explosion solaire un peu plus grande qui va émettre un paquet de particules solaires. C'est une tempête. Et la dernière panne générale de courant qu'on a eue à l'Hydro-Québec, c'est justement ça. Les vents solaires ont amené les vestiges de tempêtes solaires ici. La ceinture elle-même, elle a un trou aux deux pôles, ce qui fait que ça va rentrer par les pôles. Les particules peuvent engendrer des aurores boréales. Puis à un moment donné, ça peut aller créer justement sur les lignes de haute tension. Il y a une interaction qui va se créer et ça peut sauter, donc ça peut surcharger les lignes. C'est ce qui est arrivé. Bon, on en est toujours confronté aux champs électromagnétiques. La Terre en émet plein. Hein? Il y a des radiations. Les sols sont tous ionisants, donc sont radioactifs. Les maisons en béton, comme ici, la tour ici est bâtie de roche, de ciment. C'est extrêmement radioactif. On est totalement entouré de plein de choses comme ça. Bon. Sauf que c'est finalement mineur. Quelqu'un qui prend un avion, là, s'irradie comme si... il s'irradie. Il va chercher comme il faut en radiation ce qu'une personne au sol va aller chercher en un an. Après un vol d'une heure. Bon. Puis s'il prend le Concorde, il va aller chercher ce que l'autre a montré en disant en bas. En termes d'irradiation, pourquoi? Parce qu'on est moins protégé par la couche atmosphérique. Alors, c'est là, c'est comme ça. Bon, en avoir peur, c'est pas nécessaire. On fait attention, mais la meilleure chose, c'est s'alimenter énergétiquement convenablement, ici au niveau du corps physique, puis ça va bien. T'élimines les grosses conneries, là, mais ça va bien pour le reste. Est-ce que le choix de l'homme nouveau est interrelié au choix d'une des deux antennes supramentales? Oui. Si une des deux antennes doute et repousse le choix, comment ceux qui sont appelés à devenir nouveaux ne peuvent-ils pas douter et se mettre à appliquer? Exactement. C'est pourquoi l'une des deux antennes passe, l'autre passe. Pas une compétition. Mais c'est évident qu'il y a énormément de personnes qui m'ont connu en conférence. J'ai une valeur énergétique différente de l'autre antenne supramentale. Puis c'est pas question de meilleur ou de moins bon. Il y en a une qui vient d'un soleil, l'autre vient d'un autre soleil, simplement. Et il y a beaucoup de personnes qui sont sensibles avec ce que je réincarne du passé, donc avaient des affinités, ils voyaient des choses, ils comprenaient pas toutes, il y en a qui savaient un peu plus. Puis à travers un paquet d'années, c'est toujours un peu comme si je leur mentais Pourquoi? Parce que je livre pas le produit. Ce que la personne dit un peu, pas nécessairement par rapport à moi, là, on parle de faire le choix ou de l'appliquer. S'il y en a un des deux qui passe, ça va. Dans l'Antiquité, l'autre est passé avant. Parce que l'autre antenne, elle a digéré Jean-le-Baptiste, ça fait longtemps. Bon, elle l'a déjà dit aussi il y a quelques années. Maintenant, elle n'en parle plus, c'est digéré, ça n'existe plus, le Baptiste. Bon. Et c'est ça. Ça fait longtemps qu'elle dit qu'elle va se retirer. Mais dans le passé aussi, elle ne s'est pas retirée dans le passé, fait qu'on l'a retirée. Ça a toujours été son problème. Bon, mais c'est, dans cette vie-ci, c'est beaucoup mieux. C'est beaucoup, beaucoup mieux. C'est correct. Alors, mais les choix sont faits. Il n'y a pas de retour, il n'y a pas de ci, il n'y a pas de ça. Ça part, ce qui fait que ça va passer. Est-il vrai qu'une importante hémorragie est une purification de l'âme? Non, c'est plus... C'est évident. Et c'est faux. Moi, j'aime ça quand je réponds comme ça. Moi, c'est... Non, c'est au bout. C'est vrai, c'est faux aussi. Pourquoi? Parce que vous savez tous, probablement, n'est-ce pas, depuis le séminaire, que l'âme s'exprime par le voie du système endocrinien. Les hormones sont véhiculées dans le sang. Si vous perdez beaucoup de sang, vous allez perdre beaucoup de traces exprimées de votre âme. Donc, purification du corps physique de l'âme. Mais l'âme restera la même. C'est donc pas une purification de l'âme, mais c'est une purification de ce qu'elle a exprimé. C'est pourquoi les témoins de Jéhovah refusent les transfusions sanguines, parce qu'on prend l'âme de quelqu'un et on le fout dans le corps d'un autre. Bon, ils comprennent pas l'idée de telle quelle, là, mais ils savent très bien qu'il y a un problème de mélange d'âmes. Hein? Les Amérindiens, eux autres, ce qu'ils voulaient faire, c'est que si vous voulez qu'on soit deux frères, on se coupe chacun, puis on s'attache un bout de temps pour que le sang circule d'un bord à l'autre, pour devenir frère ou sœur de sang. Nos âmes sont mélangées. Je te connais très intimement. Parce que maintenant, là, ce que tu aimes, je commence à aimer ça, puis ce que tu penses, je te comprends tout de suite. Ben oui, c'est sûr. Et si on le fait initiatiquement, je vais avoir le temps de mémoriser dans mon astral ce que je sais de toi, ce qui fait que par la suite, je pourrai m'en rappeler. Dans une transfusion sanguine, la personne n'a pas la conscience de l'initiation, ce qui fait qu'elle devient un peu l'autre, puis finalement, elle devient le même, mais elle n'a pas... Bon. Alors, c'est ça. Mais c'est pas ça. On pourrait dire que les femmes sont toutes impures. Toutes les mois, il faut qu'ils purifient. Bon. Mais on purifie l'âme exprimée dans le corps physique. On ne purifie pas l'âme qui est là. 28 janvier, 6h AM. Des coups francs sont frappés à ma porte de chambre. Ouvrez pas. Nuit du 6, bon, si je rige tous, je t'avertis. Nuit du 6 au 7 février, 2h38 AM. La sonnette d'entrée sonne à moitié de sa sonnerie. Selon moi, ce n'était pas sur le plan physique. C'était quoi ou qui, pourquoi et comment se fait-il que je ne la sache pas dans les deux cas? C'est quoi avoir du... Ah, oh, vas-tu répondre à celle-là avant? Dimanche, 5h15. C'est quoi avoir du cœur au ventre? Quelle est la différence entre avoir et ne pas en avoir? Fais belle attention, j'ai tant le cœur de sang au ventre, là. Un problème physiologique est terrible. Ça s'acquiert comment? Par où on commence? Tout même pas. Est-ce que le vaisseau planète de ton livre est aussi le vaisseau planète Marduk, la soi-disant 12e planète, qui, paraît-il, reviendrait approximativement tous les 3500 ans? Un seul causerait déjà plein de problèmes de style tremblement de terre. L'âme de fond est l'équivalent dans nos différents corps. Mais deux, est-ce que la planète et nous-mêmes pourrions y survivre? De quelle façon? Certains pensent que Marduk s'approche et que déjà notre planète en subit les conséquences, et nous aussi en nous faisant la guerre. Tes commentaires, s'il te plaît. Bon, c'est vraiment bon. Bon, les coups francs frappés sur la porte, ou etc., etc. Il y a beaucoup de personnes souvent qui se disent, bon, il y a l'autre qui s'imagine des affaires. Non, tout se peut. Et quand je parle tout se peut, ça se peut en maudit. Bon, fait. Bon, on n'a rien à faire, on n'a rien à foutre. Si comme ton frère, à un moment donné, tu te lèves, tu vas cogner sa porte aussi, tiens. Il connaît un peu. Avoir du cœur au ventre, c'est pas ça qui est l'idée. Vos égaux ne sont pas habitués à avoir des choses neuves, donc nécessairement, ça crée des problématiques. Quand je parle d'initiation, il faut que les individus se préparent. Progressivement, si vous poursuivez, vous allez finir par être appelé à voir des choses bizarres. Entendre des choses bizarres, à entrer en contact avec des trucs bizarres, progressivement, pour que les égaux s'habituent. Parce que sans ça, c'est une peur terrible. Bon, je me rappelle encore d'une personne, moi, qui croyait, mais qui croyait pas. Puis, au milieu de la nuit, autour d'un feu, ben, c'est un cheval qui a foncé sur elle dans le bois avec des harnachements de métal, des chaînes, puis tout ça. Puis, finalement, le cheval a changé de cap et disparu dans le bois. Elle l'a jamais vu. Elle l'a entendu. J'en connais d'autres, moi, qui ont entendu du monde marcher, qui ont entendu, tu sais, pas qu'à faire. C'est des préparations, c'est des niaiseries, il n'y a aucun problème. Mais la journée que l'humain va devoir entrer en contact avec quelque chose de neuf qui ne fait pas partie de la mémoire expérientielle de l'homme, ça va être, tu sais, il me fait au fin de gagner à la porte. La fenêtre qui sonne à moitié. Elle a très peur. Oui, effectivement, ça fait peur. Pourquoi? Parce que chez nous, on est, hein, on est crottés. C'est ça. C'est quoi avoir du cœur au ventre? Avoir du cœur au ventre, là, c'est une philosophie illusoire, c'est une manipulation psychologique, c'est une farce. C'est de développer du courage, contrôler un peu notre peur. Donc, t'as peur quand même, la peur te tue, mais ça ne paraît pas. Alors que c'est pas ça qu'on doit faire. La personne, ce qu'elle devra faire, c'est que si ça arrive encore, premièrement, c'est qu'elle ne regarde pas l'heure, elle note pas la date. On ne doit pas mettre d'énergie, donc on ne doit pas porter d'importance à des choses qui font partie du domaine du naturel dans un monde surnaturel. Puis elle commence justement à avoir accès à d'autres choses. C'est tout croche au départ. Il y en a qui vont briser leurs objets, empêcher leur automobile de débarrer. Il y en a qui vont faire des conneries à répétition. Hein, je l'ai connu, on avait des verres de contact. Chaque fois qu'elle l'avait, ben, elle avait son pot après, elle rinçait ça, tu sais, puis les verres de contact, elle, en tout cas. Elle allait se chercher une nouvelle paire de verres de contact. Elle oubliait toujours des ôter de son pot quand elle les rinçait. Bon. Elle rinçait le pot, là, tu sais, elle rinçait le pot, puis elle mettait ça dans le lavabo, puis bon. C'était sans arrêt. Bon, maintenant, elle porte des lunettes. Bon. Elle a plus d'argent pour acheter les verres de contact. Mais ce sera des répétitions. D'autres personnes, ça va être des choses comme ceci. Moi, je me rappelle quand j'étais jeune, je me couchais, puis j'avais un homard placé en haut de ma tête de lit, puis le homard, il y avait, je mettais les deux pinces écartées. Puis chaque fois que je rentrais dans la maison, il y avait une pince à côté de sa tête. Là, j'ai replacé ça là. Puis là, je me couchais, puis là, je disais Tintin, ou Benoît Bob Morane, des choses de même. Puis à un moment donné, je sentais mon lit qui penchait d'un bord, puis qui penchait de l'autre côté. Donc, il y avait quelqu'un qui m'avait enjambé. Là, je me tournais bien vite, il donnait un coup de poing des deux jambes, tu sais. Il n'y avait personne, puis là, Omar, ça replaçait de même, tu sais, comme si quelqu'un était venu placer l'Omar. Eh bien, à un moment donné, moi, quand il venait le pousser en bas du lit, puis je me suis jamais attaché à chercher de la peur du danger des problèmes là. J'ai taqué ma pince d'Omar à un moment donné pour qu'elle arrête de bouger. Après ça, s'il la remettait là, ben qu'elle laisse donc là. Puis j'ai déjà fait ça à un moment donné, écoute, bon, c'est fini, moi, il capote, hein, bon. Alors, on ne doit pas, mais c'est fréquent que ça va arriver, des choses comme ça. Alors, le cœur au ventre, on ne développe pas, on reste lucide, on reste nous-mêmes, puis finalement, les choses, il n'y a plus de problème. Quand on parle du vaisseau planète, etc., bon, je ne veux pas encore trop en dire là-dessus. Pourquoi? Parce que c'est important que vous développiez la capacité de ne pas être attaché à la forme qu'on va bâtir pour expliquer l'avenir. Bon. Pourquoi? Parce que même si ce que je dis sera totalement ajusté, ce qui n'est pas nécessairement toujours le cas, certainement ce que vous allez comprendre ne sera pas ajusté. Chacun va avoir compris différemment. Et si on s'attache à ce qu'on comprend, il y en a plusieurs qui vont être déçus à un moment donné. Il va se passer des choses et on s'en balance de savoir si c'est X, Y, Z, A, B, C. L'important, c'est que la saveur soit celle qu'on a besoin. Donc, je ne veux pas trop parler. La personne, elle sait des choses. C'est très intéressant, c'est bien. Mais c'est pas utile. Intéressant. Mais c'est pas utile de savoir ça immédiatement. Pourquoi? La simple raison, c'est pas de savoir où ce qui va être le bateau, c'est de savoir où ce qui va en dévier. Puis comment aller chercher? Ben oui, évidemment. Quoi faire le soir avec l'ego qui ne veut pas être conscient devant le sommeil, mais plutôt aime dormir? L'ego est fort en cette période-là. Bon, quoi faire le soir avec l'ego qui ne veut pas être conscient devant le sommeil, mais plutôt qui aime dormir? Moi, je vous dirais dormir. Devenez conscient une minute par jour, intensément, c'est préférable que d'être à moitié conscient une heure par jour. Il y a des parties de votre journée où physiquement votre chronomètre n'est pas encore ajusté. Votre corps se refroidit trop, il y a une baisse d'énergie quelque part, fait que l'ego reprend le dessus un peu, l'ego peut en profiter pour se venger, ça se peut, bon. Restez vous-même dans votre petite coquille, allez vous enterrer, puis laissez-le le cave continuer à bouger. Puis le lendemain, quand vous revenez, ben vous continuez à avancer. Ne luttez pas contre. Appliquez-vous à vous exprimer vous-même. C'est important parce que l'humain ne voit souvent pas la différence entre accompli puis lutte pour contrôler. La personne, ce qu'elle va faire, c'est qu'à un moment donné, bon, au niveau visuel, c'est très simple. « Je veux plus que tu cries! » Puis l'autre partie, ça va être « Je crie pas. » Il y en a un, c'est une lutte contre, puis l'autre, il accomplit. C'est tellement plus facile. Ça demande moins d'énergie. C'est moins méritoire, ça fait moins d'étincelles, ça paraît moins. C'est mauditement mieux. Alors, je contrôle pas ma peur, j'ai plus peur. Bon, alors, contrôler l'ego, j'ai jamais dit qu'il fallait contrôler l'ego. J'ai toujours dit qu'il fallait observer l'ego, qu'il fallait intelligencer les choses. Pourquoi intelligencer? C'est comme ça qu'on descend de l'intelligence. À un moment donné, l'intelligence, elle va finir par prendre la place d'une partie de l'ego. On c'est un égoïste. C'est-à-dire que consciemment, on voit des conneries, puis consciemment, on s'occupe à un moment donné à faire au-delà de l'inhibition de l'ego. Mais pas contre l'ego. Tu le fais. J'aime pas manger ça, mais c'est bon pour la santé, ça va me guérir. Ben, j'en apprends. Là, tu viens prendre, puis ça veut pas, puis ben, c'est ça. Contrôlez vos mains. Ah, maintenant, contrôle plus les mains, contrôle la bouche. Puis, une chose à la fois, c'est très facile. Oui, mais pendant ce temps, mon pied, là, il se promène. Laisse-le se promener ton pied, on n'a rien à foutre de ton pied. Mais l'humain, il regarde toujours le visuel de son évolution. Mais j'ai pas l'air évolué pendant que je fais ça. Il regarde le visuel. J'aimerais être un maître parfait, ce qui fait que ce soir, quand je viens pour me coucher, là, j'ai rien que le goût, je fais que penser à des images sexuelles, tu sais. Ah, mais ça, on n'a rien à faire. La personne doit s'arranger pour exprimer chez elle ce qui est beau, ce qui est intelligent, et jamais en compétition avec ce qu'il est. Même chose, on ne peut pas vouloir devenir beau en compétition avec les autres, les laids. Il y a des façons de travailler avec les autres, il y a des façons de travailler autour des, entouré des autres, malgré les autres. Il y a des façons de bouger là-dedans. De façon géniale, d'aller chercher toute l'énergie que les autres garochent, là, ça ramasse. Avec un grand sourire, c'est en beau. Hein? Il y a bien des façons. Mais la personne ne peut pas. Bon, le soir, elle va se coucher, bien qu'elle se couche. Puis les gaucheries, son corps n'est pas encore en termes de chronomètre prêt à supporter ça. Il n'y a pas de problème là. Soyez correct, c'est pas la grandeur d'un cercle hein, qui fait que c'est un cercle, c'est sa rondeur. Hein? La grandeur, on n'a rien à foutre. Ceux qui, ou plutôt le nous qui vient nous chercher, a-t-il lui aussi fait le choix de l'énergie supramentale? C'est très simple. Si vous faites le choix, ils vont avoir fait le choix. Si vous ne faites pas le choix, ça n'a jamais vécu, ça n'existe même pas. Donc, c'est leur survie? Eh oui! Mmh. Ben, c'est la nôtre! Oui. Les appareils à champ magnétique à basse fréquence émettent-ils des ondes du même type que celles émises par le cerveau humain lors du fonctionnement du système nerveux? Leurs constructeurs prétendent ainsi guérir la plupart des maladies. Qu'en est-il réellement? Bon, les fréquences les plus dangereuses pour le corps vital, ce sont les basses fréquences. À un point tel que les Américains et les Soviétiques ont déjà fait des expériences massives sur certaines villes où on émettait des très basses fréquences sans arrêt. Dans les métros, puis un peu partout, les gens étaient tous déprimés, les gens se suicidaient, les gens se battaient, bon, etc. Les appareils à champ électromagnétique, ça a certains avantages, c'est que si vous êtes extrêmement magané vitalement, puis que vous êtes rendu au niveau moins 2, le champ électromagnétique est au niveau 0, il va vous monter au niveau 0. Si vous êtes bien, bien magané, au lieu d'être au niveau 10, vous êtes rendu au niveau 4, vous vous embarquez dans un appareil à champ électromagnétique, puis ça va vous amener au niveau 0. Donc, vous allez encore en perdre un peu. Ce n'est pas de l'énergie vitale yin ou yang, disons tellurique ou solaire. Et dans les temps à venir, les mois à venir et les années à venir, les personnes devront de plus en plus apprendre à contrôler leur énergie hominale, qui est aussi de l'énergie vitale. Mais sachez une chose, plus vous allez être évolué, plus les appareils à champ électromagnétique vont être nuisibles pour vous. Donc, plus on est conscient, plus c'est problématique, parce que notre corps physique, le yin et yang, va de plus en plus avoir tendance à devenir hominal. Et ça, il y a uniquement l'homme, la femme ou l'enfant qui crée de l'énergie hominale. Les appareils ne peuvent même pas la rejoindre ou disons, la copier. Alors, ça devient problématique à un moment donné. Mais c'est toujours la même chose. Couchez-vous là-dedans, là, puis regardez, voir. Ah, là, je me sens mal, il m'a dit que c'est normal, après, je me sentirais bien. Fiez-vous à votre intuition. Bon, vous n'avez assez, sortez. Vous n'avez pas assez, restez. Si après ça, vous vomissez pendant 2 mois, ben, vous jouez là, maintenant, fiez-vous à votre expérience. Dans ton livre, tu dis que seules les personnes nées dans la cité de Sept peuvent être transférées dans la cité de Sept, page 201. Comment se fait-il que maintenant, des gens d'aujourd'hui non résidents de Sept peuvent, s'ils sont transportables, y être transférés? Bon, pour la simple raison que le roman reste un roman, dans le tome 2, on explique, parce que dans le tome 2, ça arrive. pour la simple raison que l'important est de ramasser les réincarnations du passé pour finalement être totalement ce qu'on est là. Donc, on pense du point de vue de mécanique de voyage temporel, il n'y a plus de problème après ça de paradoxe. Mais encore une, c'est ça. Mais le livre reste quand même un roman pour expliquer quelque chose. Là. Et puis, dans le tome 2, bien là, on commence à ramasser les personnes qui sont ici, qu'on a amenées dans le passé, que du passé, on va former, qu'une fois formées, on va ramener dans l'avenir. Pour qu'eux puissent former ceux qui viennent d'ici, qui vont là, qui vont revenir ici, pour oublier qu'ils ont été là-bas, puis uniquement pour respirer de façon à changer la conscience des humains, pour permettre à ceux qui sont ici, qui ont à être là-bas, de pouvoir aller là-bas sans avoir à passer par l'autre. Je ne sais pas si tu comprends. Oui. Bon. En tout cas, bref, 500 pages, je vais expliquer ça. Prochain. Les êtres du côté obscur de la Lune ainsi que ceux de Ganymède, lune de Jupiter, entreront-ils en conflit avec Sep et avec les 3 milliards d'êtres provenant du vaisseau-mère? S'agit-il de conflits force blanche, force noire? OK, il faut toujours comprendre que Sep reste des concepts. Ça va? Bon, ce sont des forceps de l'évolution, n'est-ce pas? Pour aider l'accouchement de l'homme nouveau. Voyez? Mais ça reste quand même, bon, on comprend l'idée? Alors moi, ça ne me dérange pas d'en parler comme la personne, à la condition qu'on sache bien qu'on s'en balance. Ce sont des mots nouveaux qui vont nous permettre de comprendre des choses. Mais on ne doit pas, c'est pour permettre de comprendre, de communiquer, mais on comprend l'idée, j'espère bien. Les êtres du côté obscur de la Lune, ils existent déjà, c'est les gardiens des intraterrestres. Bon, ainsi que ceux de Ganymède, même chose, les gardiens des gardiens. Entreront-ils en conflit avec Sep, qui est la cité écologique permanente, donc on parle d'une cité qui est dans l'avenir, ou avec les 3 millions d'êtres provenant du vaisseau-mère? Bon, ceux qui ne comprennent pas trop, ben vous lirez le livre. C'est pas écrit pour rien, hein? Je l'ai écrit surtout pour permettre à des gens de descendre de l'avenir chez eux. Est-ce que ça a un conflit de force blanche ou de force noire? En ce qui concerne la cité de Sep et du vaisseau-mère, il n'y aura jamais de guerre. Jamais, jamais, jamais, jamais. Jamais. Donc, il n'y aura pas de conflit, même pas de conflit là. Ça fait un peu partie de l'idée du village Jovsa, à un moment donné dans le livre, où plus tu attaques, plus tu regrettes. Tu prends ton char d'assaut, tu l'enlignes, puis tu fais feu, puis le canon t'explose en plein visage. Fait que là, tu dis, maudit bordel. Tu as mis deux autres chars d'assaut, tu les replaces encore, tu tires, les deux, les chars d'assaut explosent aussi. Et ben, c'est ça, ben, c'est ça. Puis là-bas, ils se défendent pas. Là-bas, ils continuent à arroser le tomate, puis le cossin, puis il n'y a pas de problème là. Fait que tu finis par te dire, écoute, on va au moins tirer sur ceux qui acceptent nos obus. Il serait possible et probable d'englober l'égrégore du Dieu musulman, Allah Mahomet, en vue de modifier la voie actuelle, Saddam Hussein, de l'humanité. C'est déjà commencé, mais il manque encore beaucoup trop de personnes suffisamment réveillées, bouddhiques, hein? C'est pas réveillé, Bouddha, pour pouvoir faire ça, ce qui fait que la première chose que l'humain doit faire, la première implantation sert à retarder le point de bifurcation. Par la suite, il faut que les humains soient suffisamment prêts pour s'en aller. Il ne faut pas beaucoup d'humains pour aller dans la cité, disons, on va dire dans la cité de Sep, enfin, sur l'autre planète. Il ne faut pas beaucoup d'humains. Pourquoi? Parce qu'il faut au minimum deux sexes, là, mais après ça, c'est correct. Alors, c'est pas besoin d'avoir une peste. Et par la suite, s'il y a suffisamment d'humains capables de voyager, bien là, il y a une mécanique qui va commencer à s'implanter, si le temps est encore là, pour faire bouger le reste de l'humanité dans un sens plus positif. Mais le but ésotérique, par exemple, on pourrait dire du travail des forces d'intervention temporelle, c'est surtout de retarder le noyau, plutôt que de faire bifurquer l'humanité. Et après, ben là, évidemment, on n'a rien contre de faire bifurquer l'humanité. La psychologie prétend que le fait de dire, d'exprimer oralement des émotions que l'on refoule, que l'on se cache ordinairement, permet par ce processus de prise de conscience de ces émotions de les éteindre. C'est finalement semblable à ce que tu nous dis, d'observer, d'être attentif aux pensées qui circulent dans notre tête pour que ces pensées disparaissent. Bon, la différence, c'est que ce que la psychologie va enseigner, ça ne demande pas de conscience. Là, les psychologues, est-ce qu'ils ont de la conscience? Faudrait demander. Pas tous. Ah, ben, c'est pas pire, pas tous. Effectivement, il y a des psychologues qui ont de la conscience, mais souvent, ils ne sont plus psychologues. En tout cas, ils n'ont plus de patients. Quand la psychologie nous parle, elle va dire, parle à quelqu'un, tu sais, bon, Michel, moi, je te vois, puis je suis inquiète tout le temps le soir, puis bon, tu sais, là, j'exprime mes affaires, ou encore, je t'aime bien gros, puis je suis ici, puis on parle. C'est évident que tout ce qui, énergétiquement, commence à nous détruire, si on le rejette, ça sort. Mais on perd de l'énergie, mais on gagne la santé. La personne qui va observer avec de la conscience ce qui se passe chez elle, la nuance, c'est qu'elle développe son intelligence. Elle développe sa conscience. L'autre qui parle applique une mécanique. L'autre qui développe la conscience, elle est là pour observer. Donc, elle devient elle-même son propre psychiatre. Bon. Et à un moment donné, ce qui va arriver, c'est quand elle va commencer à se désinhiber, et au lieu de vouloir, par exemple, créer une désinhibition, mettons, tu as peur des ascenseurs, bien, tu veux finir par prendre les ascenseurs parce que ça va être pratique, ou pour cesser d'avoir l'air folle. Bon. Et là, on va te désensibiliser progressivement aux ascenseurs. C'est une libération dans la majorité des cas. Si tu as de la conscience et qu'à un moment donné, tu te rends compte de la stupidité astrale d'être limité à ne pas prendre des ascenseurs, là, tu peux commencer toi-même un traitement, mais tu n'as pas besoin de personne. Et là, toi-même, tu vas finir par pas te désensibiliser lentement. Tu vas finir par prendre ton corps, le bouger, prendre l'ascenseur, tu vas voir toute la merde qui est chez toi, mais toi, tu vas rester tellement lucide que la merde ne pourra pas influencer ta conscience. Alors que dans les structures psychologiques conventionnelles, c'était toujours aussi influençable. Et l'avantage de la désinhibition, c'est que quand tu auras pris l'ascenseur, une fois que tu seras désinhibé, c'est réglé. Tandis que la personne qui va rejeter, ou disons, communiquer son problème émotif, c'est réglé là. Mais demain matin, si quelqu'un l'insulte encore, elle est aussi mal prise qu'avant de pouvoir le communiquer. Donc, elle en aura besoin souvent. Alors, à un moment donné, elle peut se déprogrammer, mais elle reste encore un être programmable, elle n'est pas son seul maître. Ce qui fait que ce que la psychologie suggère, dans le cas d'un être qui veut conserver de l'énergie pour se conscientiser, c'est pas bon. Comme les religions, c'est pas bon. Mais dans le cas d'un être qui veut survivre, c'est très bon. Bon, vous allez à la confession, on veut vous pardonner. C'est parce que vous êtes tellement mal pris avec les énergies de culpabilité qu'on a implantées chez vous de façon à ce que, au lieu de prendre d'énergie et en faire de l'intelligence, vous en faisiez de la culpabilité, à un moment donné, ça va nous tuer. Alors on va à la confesse, puis on remet ça dans les mains de tout le monde, puis on sort de là, puis on est bien. Bon, quand, par exemple, le Nazaréen disait, tu sais, ton père, il t'a déjà pardonné avant même que tu le fasses. Oui, parce que son père, il savait très bien que l'être humain était manipulé. Donc, je ne vais pas vous pardonner. C'est pas de votre faute. Par contre, c'est devant l'homme qu'il faut que tu aies été pardonné. Parce que c'est lui qui t'accuse. Ah, même le Nazaréen l'avait dit. Tu as commis des conneries. Va voir ça, qui tu l'as commis, règle ça. Puis après, c'est du temps à perdre devant l'Église. Puis lui-même, il l'a dit. Il disait à des personnes, je te remets tes péchés. Ben, c'est exactement ce que ça donne. Le karma que tu as remis dans les mains de tout le monde, puisque tu penses qu'on va t'approcher avec, là. Bon, je te pardonne. Maintenant que tu es pardonné, là, tu peux guérir. Ben, c'est une expression de malaise énergétique qui crée les maladies. Et là, les pharisiens, les sadducéens se chiolaient. C'est qui es-tu pour pardonner à l'humain? Hein, Dieu peut pardonner. Et non, Dieu n'a rien à foutre de pardonner. C'est vous autres qui avez inventé ça en bas, la culpabilité. Enfin, pas l'humain, mais c'est dans la stratégie évolutionnaire humaine. Donc, c'est ça, même ça à quoi, c'est père, pardonne-leur, c'est à quoi ce qu'ils font, ça c'est un message. Le bonhomme en haut, il savait déjà qu'il ne savait pas ce que c'est en bas. Oui. Ceux qui se conscientisent, vivent-ils une apocalypse moralement? Non. Non, l'ego qui résiste, c'est pas une apocalypse, parce qu'on n'est pas encore habitué aux grandes souffrances, c'est pas une apocalypse. L'apocalypse, c'est bien pire que ça. Non, par contre, les personnes qui sont transitoires vivent effectivement certaines problématiques, et plus vous allez résister, plus ça va être lancinant et pénible. Dans l'état actuel des choses, deux êtres humains partiellement ou totalement fusionnés avec leur double éthérique, sont-ils capables à deux de toucher le plan intentionnel et d'en faire descendre l'énergie? Bon, c'est une question théorique, parce qu'il n'y a personne présentement qui est totalement fusionné, etc., etc., etc. Il y a des personnes, des fois, qui croient qu'ils le sont, là, mais ils ne le sont pas encore. Vous savez, il y a une chose, c'est qu'il y a des personnes, à un moment donné, qui vont rentrer en contact avec un petit peu de lumière supplémentaire, et ils vont penser qu'ils ont tout, c'est tout atteint, c'est formidablement génial. Alors que ce n'est rien encore. Tout à l'heure, on parlait des attentes. C'est un des dangers des attentes, à un moment donné. Parce qu'on pense que le but, c'est la lumière, puis finalement, quand tu arrives à peine sur pas grand-chose, on pense qu'on a tout atteint. Il y a 25 portes, t'en vois qu'une. Tu penses qu'il n'y en a qu'une porte. Quand tu arrives à cette porte-là, tu restes là. Tu ne l'ouvres même pas, c'est pas nécessaire, tu sais qu'il n'y a rien de l'autre bord. Mais l'autre bord, il reste 24 portes. Alors, c'est un des dangers de temps en temps. Descendre de plein intentionnel, ça ne servirait absolument à rien pour l'instant. Pourquoi? Parce que ça serait comme prendre de l'eau chaude, là, puis la mettre dans un récipient plastique, puis partir à la course jusqu'au pôle Nord pour leur en donner de l'eau chaude. Et quand vous allez arriver au pôle Nord, vous êtes aussi froide que la glace qui est là, puis c'est ça, ça ne sert absolument à rien. La planète n'est pas faite pour recevoir présentement du plan intentionnel. La planète n'est même pas faite pour recevoir du plan bouddhique. Il y a des êtres humains qui vont être capables de descendre du plan bouddhique, de l'associer au plan supramental, et ces humains-là vont changer la planète au complet ou vont changer deux planètes au complet. La partie de moi qui est dans le futur me sert d'égrégore maintenant. Si oui, comment faire pour faire cesser la souffrance ici? Réponse simple. Souffrez-vous? Réponse plus compliquée. Désinhibez-vous, anégoïsez-vous. Puis réponse plus longue et plus compliquée. Écoutez toutes les conférences que j'ai faites depuis le début. Je vais vous faire un prix spécial. C'est ça. La souffrance qu'on a ici est une lutte et une résistance. Parmi vous, il y a encore des personnes. Vous ne pourrez rien faire pour l'instant pour abdiquer, pour changer, pour éliminer la souffrance. Pourquoi? Parce que, et encore une fois, c'est des choses que j'ai toujours eu de la difficulté à dire, parce que moi, ça m'aurait royalement fait chier si j'aurais été assis dans le public et quelqu'un aurait dit ça. Hein, n'est-ce pas? Alors, c'est qu'il y a plusieurs personnes parmi vous que vous ne pourrez pas vous débarrasser de ce genre de souffrance-là tant que d'autres personnes ne seront pas passées avant vous pour le faire. Donc, il y a des personnes qui doivent attendre que leur temps arrive. Puis leur temps est déterminé par le temps d'autrui. Alors, la personne, elle ne doit pas rester assise là et se dire, bon, ben, je vais attendre, elle doit donner un coup de pouce à l'autre. Puis l'autre en donne un à l'autre, puis l'autre à l'autre, puis l'autre à l'autre, puis à un moment donné, ben, les portes s'ouvrent, puis finalement, tout le monde passe. Parce que chacun a son chemin à faire, mais le chemin n'est pas nécessairement le même pour tout le monde pour l'instant. L'égrégore de Marie-Madeleine est-il complètement fusionné actuellement avec celui de Michael? Non, Marie-Madeleine, Marie-Madeleine, c'est une réincarnation qui est rotative. Hein? Je vais vous expliquer un petit peu. Elle va chez une femme, après ça, elle décolle, elle va chez une autre femme, elle va décolle, elle va chez une autre femme, chez une autre femme, chez une autre femme, chez une autre femme. La dernière, c'est qu'elle est allée chez elle. Bon. Mais c'était nécessaire. Et puis, mais c'est dans pas grand temps, là, ça va être pas mal totalement résorbé. Il n'y aura plus de Marie-Madeleine. Pour qui a été écrit le livre des sages de Sion? Quel est son contenu? Est-il dangereux de le lire? Non, c'est pas de le lire, c'est de rien comprendre qui est dangereux. Le lire, c'est pas un problème, ça. Le livre des sages de Sion. Premièrement, les sages de Sion sont des descendants des Esséniens. Les Esséniens sont les descendants de ceux qui ont créé le gardien de l'horreur, qui est le sphinx de Gizeh. Et c'est eux qui ont engendré tout le cadre sioniste juif. C'est eux qui ont engendré l'endroit d'où devait atterrir, le Nazaréen, avec le baptiste et tout ça. C'est eux qui vont manigancer toutes les différentes croisades. C'est eux qui vont permettre l'instauration, à un moment donné, de la religion islamique, qui va être ce qui va guerroyer contre la religion catholique. C'est eux qui vont engendrer l'ordre des Templiers, entre autres. C'est eux qui vont s'arranger pour récupérer la majorité de toutes les parcelles du Graal, que ce soit la lance, que ce soit le cristal, que ce soit la coupe, ou le linceul. C'est eux qui vont s'arranger pour engendrer progressivement un plan magistral, on parle donc du livre des sages de Sion, un plan qui prévoit le salut planétaire après un apocalypse diabolique. Et finalement, le prieuré de Sion, c'est donc les sages de Sion, ont écrit différents livres, sauf qu'il faut faire attention, c'est que le prieuré de Sion est encore extrêmement puissant aujourd'hui, aussi puissant qu'il l'était à l'époque du roi Salomon. Et ils écrivent des livres, ils écrivent des choses qui de temps en temps sont découvertes ou encore vont être publiées dans certains livres. Et tout ce qui est écrit, c'est toujours un peu comme la mécanique intraterrestre. Tout ce qui est écrit, c'est ce qui est nécessaire que l'humain sache maintenant. Tout ce qui est communiqué du prieuré de Sion est donc totalement à rejeter, c'est-à-dire que bien que ce soit vrai, c'est totalement faux. On nous informe de ce qu'on a besoin de savoir au moment où on en a besoin pour virer là où on doit virer. Mais le livre des sages de Sion ne prévoit pas, ça n'altérera pas le contact supramental des individus dans l'intelligence. Ça ne nuira pas non plus. Les individus deviennent l'ennemi majeur du prieuré de Sion, à la condition que les individus qui se conscientisent conservent dans leur tête astrale l'objectif de sauver l'humanité, c'est-à-dire la retirer des mains des sionistes. si les individus qui se conscientisent se sentent sur eux-mêmes et avancent pour eux-mêmes, automatiquement, le prieuré de Sion va leur donner un coup de pouce pour qu'ils sacrent leur camp aux plus maudits. Puis c'est un peu ce qui va arriver. Bon, voilà pour le livre des arts ici. Dernière question. Le choix est fait. Comment cristalliser ce choix? Comment l'implanter dans la matière? C'est très, très, très simple. C'est ce que j'ai expliqué lors de la première et de la deuxième partie. C'est uniquement ce que la Sion reste à faire. C'est... l'intuition, on va revenir énormément là-dessus. Prochain BMC+, on va déjà passer à des applications et on va de toute façon revenir sur cette chose-là. On ouvre plusieurs, vous savez déjà, et puis gardez-vous du temps, mais ce que je veux dire quand même, c'est qu'il faut commencer à appliquer des choses sans virer fou, sans paniquer. C'est très important, ce n'est pas de se donner des...